Q&A ça. Comment c'est traduit ça? Putain, c'est traduit, on s'en fout que ça soit traduit, on a compris. Lyric. Asibunanga. Ça va trop vite là. Asibuna umanda e latina. La pecona, la peli, la peli cona. C'est dur à dire ça. La peli, la peli cona. Non, je vais écouter l'original, je reviens.